Leçon 3. Document 1, page 38. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des commerçants. Alors, monsieur, vous avez une bijouterie et vous avez été attaqué par un malfaiteur en fermant votre boutique ? Oui, c'est exact. Et je sais très bien pourquoi ça m'est arrivé. Avant, quand je fermais le magasin, le soir, mon employé restait à côté de moi. Il regardait à droite et à gauche. Mais le mois dernier, je l'ai licencié. Samedi soir, j'ai été agressé devant ma porte. Je n'ai pas pu me défendre. Vous, madame, vous avez un magasin de chaussures. Et on vous a cambriolé pendant la nuit, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une grille en métal très lourde. Je la fermais tous les soirs et je l'ouvrais tous les matins. Ça me fatiguait beaucoup et elle faisait du bruit. Alors un jour, j'ai décidé de l'enlever et les cambrioleurs ont cassé la vitrine et ils sont entrés. Monsieur, vous êtes caviste. Vous vendez du vin. Et deux hommes vous ont menacé avec un revolver. C'est tout à fait ça. Mais moi, ce n'est pas de ma faute. J'avais une alarme. Quand un client bizarre entrait, j'appuyais dessus. Elle sonnait et il partait très vite. Mais la semaine dernière, il y a eu une panne d'électricité à cause de l'orage. Elle n'a pas fonctionné. Et les voleurs ont emporté la caisse.